vous raconter la scène. Dans la pénombre d'un backstage, l'odeur suintante d'un blues obscène qui résonne encore ses arpèges. Devant la pluie, laisse passer les quelques fragiles cortèges de dizaines de couples égarés qui vont de part deux, déçus ou heureux.